partir du moment où l'on finissait d'être la valeur de l'argent diffère dans le monde à qui. T'es comme une prison, ton choix ça n'importe ton choix. Personne ne te met ton existence quand tu l'as pour l'air. Pour moi c'est décidé, non y'a pas à chier. Y'a pas de raison que je te paye de millions. Du moment ça n'importe aucune influence. À ma liberté de penser ça n'a aucune importance. Y'a que la main qui m'aille, m'aille, m'aille, ouais. Y'a que la main qui m'aille. Y'a que la main qui m'aille, ouais. Y'a que la main qui m'aille. J'aime le fricœur. J'aime le fricœur. J'aime le fric. J'aime le fric. J'aime le fric. J'aime le fric. J'aime le fric. J'aime le fric. J'aime le fric, j'aime le fric. Ça fait peut-être pas le bonheur, mais ça est contre-critique. Et les vraies valeurs, les gens les ont perdus. C'est une hypocrite, un cochon d'amour. Et le peuple qui a le cadre, un plus petit, ça va te mettre la carotte. Y'a pas de doute, j'ai rien à voir avec tout ça, j'en ai la foutre. Jamais ça ne me changera. J'aime l'argent, enfin voilà qui est bon. Il peut y mettre pour briller, mais pas esclave comme un bonheur. Y'a que la main qui m'aille, m'aille, m'aille, ouais. Y'a que la main qui m'aille. Y'a que la main qui m'aille, m'aille, m'aille, ouais. Y'a que la main qui m'aille. Les euros, les pistons, le capital, le pognon, le fric, le caillasse, la thune, le cash, le blé, les sous, les pipettes, le flouz, la monnaie. Le budget, le capital. L'argent c'est pas une invention à la con. Ainsi trouve un autre système. Trouve un autre système con. C'est tout ce que le monde se laisse corrompre. Et ne cherche pas vraiment à lutter contre. Anticapitalisme. Je m'en bats les rodignoles. Faire un bien qui aura le pitié dans la colle. Y'a que la main qui m'aille, m'aille, m'aille, ouais.